ဲ့မနေ့က So yesterday, Seyado said he has talked about the four protective or guardian meditation. So Seyado said he will continue with the Asubha Bhavana. It is the contemplation on the luminous nature of the 32 parts of the body. And the last one is Maranānusati, recollection of death, contemplation of death. Hier, Sayadaw nous a parlé des deux premières méditations protectrices, la contemplation des vertus du Bouddha, Buddhanusati, et Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. Aujourd'hui, il va poursuivre son enseignement à propos des quatre méditations protectrices et nous parlera des deux dernières, Asubha Bhavana, la contemplation des 32 parties du corps sous leur aspect répugnant, et Maranasati, le souvenir de la mort. Asubha Bhavana veut dire réfléchir à son propre corps et le voir comme étant repoussant, peu désirable. Celui qui pratique cette méditation devra se concentrer sur les 32 parties du corps et essayer d'établir le caractère repoussant des parties du corps dans l'esprit. En général, les gens aiment leur corps, ils le trouvent beau et ils font tout pour le rendre encore plus attirant. Les femmes sont en général plus concernés par la beauté de leur corps que les hommes. Ici, nous allons diviser le corps en 32 parties. Lorsque le corps est ainsi divisé en différentes parties, il ne sera plus perçu comme beau et attirant. Sa nature repoussante va devenir évidente. Mais si on considère le corps dans son ensemble, avec toutes les parties assemblées, il redevient beau et attirant. Si on ne pratique pas la méditation sur le caractère repoussant du corps, Asubha Bhavana, il est fort probable que nous resterons attachés à cette idée que le corps est beau. Et lorsqu'un homme verra une femme, il va ressentir du désir pour ce corps. Le corps est donc divisé en 32 parties, et ces 32 parties sont divisées en 6 groupes. Les 4 premiers groupes comprennent chacun 5 parties, et les 2 derniers groupes comprennent chacun 6 parties. Ce qui fait 4 fois 5 parties, 20 parties, et 2 fois 6 parties, 12 parties. 20 plus 12 égale 32. Si pour une raison ou pour une autre, il vous est impossible d'étudier tous ces groupes, vous pouvez vous limiter au premier groupe de 5. Les 5 premières parties sont en pali, kesa, loma, naka, danta et tako. En français, les cheveux, kesa, les poils, loma, les ongles, naka, les dents, danta, et la peau, tako. Vous pouvez donc vous limiter à ces 5 premières parties et si vous n'arrivez pas à mémoriser les mots en pali, vous pouvez très bien les répéter en français. Lorsque vous pratiquez cette méditation, vous devez donc répéter la liste des cinq premières parties en essayant de les visualiser. Lorsque vous serez arrivé à la peau, la cinquième partie, vous allez recommencer à méditer sur ces cinq parties, mais dans le sens inverse. Vous observez donc d'abord la peau, puis les dents, puis les ongles, puis les poils, puis les cheveux. Lorsque ces parties sont assemblées et qu'elles forment un ensemble cohérent, elles sont perçues comme belles et désirables. Mais si on sépare ces parties et qu'on fait des piles de chacune d'entre elles, une pile pour les cheveux, une pile pour les poils, une pile pour les dents, une pile pour les ongles, une pile pour la peau, tout cela va nous apparaître comme dégoûtant et peu désirable. Pour ce qui est des cheveux, certaines personnes ont des cheveux courts, d'autres ont des cheveux longs. Et tant qu'on ne médite pas sur ces parties du corps, on pense que cette chevelure est jolie à regarder et est désirable. Mais si un seul de ces cheveux devait tomber dans notre assiette au moment où nous prenons notre repas, il ne nous apparaîtrait plus comme désirable, mais au contraire, comme repoussant. Nous aurions envie de jeter toute notre assiette à la poubelle. Nous pourrions également prendre l'exemple d'une nouvelle voiture dont toutes les pièces sont assemblées et qui nous apparaît comme très jolie. Et nous avons donc du désir pour cette jolie voiture qui va nous être très utile. Mais si on sépare toutes les parties de la voiture, qu'on désassemble toutes les parties, cette voiture devient inutile, puisqu'inutilisable, et du coup, nous n'avons plus aucun attachement pour elle. Donc, c'est la même chose avec le corps. Tant que les parties du corps sont assemblées, nous pensons qu'il est attirant et qu'il est désirable. Mais si toutes les parties du corps devaient être séparées et mises en tas, l'une sur l'autre, ce corps ne nous apparaîtrait plus comme désirable. Pendant la méditation, lorsque le samadhi se sera développé et aura atteint un niveau suffisant, il est possible que des images nous apparaissent dans l'imagination. Nous avons les yeux fermés, mais malgré tout, il est possible que nous voyions certaines choses. Il est possible, par exemple, que lorsque le samadhi s'est développé, un méditant masculin voit apparaître dans son esprit l'image d'une jolie femme. L'inverse est vrai également, il est possible qu'une femme qui pratique la méditation et dont le samadhi est devenu puissant voit apparaître dans son esprit l'image d'un homme attirant. Si ces méditants ont pratiqué Asubha Bhavana, la méditation sur le caractère repoussant du corps, ces images d'une personne du sexe opposé ne vont provoquer aucune réaction chez eux. Ceux qui auront pratiqué la méditation sur le caractère repoussant du corps, Asubha Bhavana, pourront facilement gérer ce type de situation. Ils pourront évacuer facilement le désir en le prenant comme objet d'attention. Voilà donc pourquoi la pratique de Asubha Bhavana est très recommandée. C'est donc le bénéfice qu'amène la pratique de Asubha Bhavana pour un méditant vipassana. L'esprit du méditant ne sera pas perturbé, il pourra poursuivre paisiblement sa pratique. Donc Sayado va répéter les instructions pour la pratique de Asubha Bhavana. Vous devez vous souvenir des cinq premières parties du corps et vous allez les passer en revue l'une après l'autre. Vous commencez par les cheveux et vous vous Dites que ces cheveux ne sont beaux que lorsqu'ils sont à leur place sur la personne. Mais une fois détachés de la personne, ils deviennent indésirables, ils ne sont plus du tout attirants, ils ont une mauvaise odeur et leur forme n'est pas agréable à regarder. De plus, ils s'enracinent dans le cuir chevelu qui n'est pas très attirant. Ils ne sont donc absolument pas désirables et ne valent pas la peine qu'on s'y attache. Ceci, c'était la façon dont vous devez méditer sur les cheveux. Vous allez ensuite passer en revue les quatre autres parties du corps et les observer, les analyser, les investiguer de la même façon. Les poils, les ongles, à la fois de la main et des pieds, les dents et la peau. Vous réfléchissez à ces quatre parties du corps de la même façon que vous avez réfléchi aux cheveux. Vous vous dites que ces choses ne sont belles qu'assemblées, mais qu'une fois séparées du corps, elles ne le sont plus. Vous fixez votre attention sur l'aspect repoussant de ces parties du corps et essayez d'établir le caractère repoussant des parties du corps dans votre esprit. Vous considérez le caractère repoussant sous divers aspects, la couleur, la forme, l'odeur, l'habitat et l'emplacement. Donc, vous pratiquez cette méditation sur le caractère repoussant du corps pendant 1 minute le matin à la première séance et vous en êtes quitte pour la journée. Et vous devez le faire chaque jour. Ce sera très bon pour vous. La dernière méditation protectrice, c'est Maranānusati, la contemplation de la mort. Y a-t-il parmi vous des personnes qui n'ont pas peur de la mort? Nous devons réfléchir à la mort et nous devons le faire chaque jour. Si vous pratiquez cette contemplation, vous comprendrez le caractère inévitable de la mort et son imprévisibilité. Si vous pratiquez la contemplation de la mort, vous verrez donc le caractère inévitable et le caractère imprévisible de cette mort, ce qui pourrait faire naître en vous un sentiment d'urgence. Nous serons tous condamnés à mourir un jour, qu'on le veuille ou non. La mort peut survenir alors qu'on est encore jeune, elle peut survenir un peu plus tard, quand on est dans la fleur de l'âge, ou alors à la fin de la vie. Mais de toute façon, personne ne pourra y échapper. Nous devons savoir qu'un jour nous mourrons, que ce soit dans notre jeunesse, un peu plus tard, ou lorsque nous serons devenus vieux. Personne ne peut échapper à la mort. Si on a pris naissance, il faudra mourir. Si nous comprenons que la mort est quelque chose de tout à fait naturel et d'inévitable, nous aurons moins peur. Si nous comprenons que la mort est inévitable et qu'un jour nous devrons mourir, nous ferons attention dans nos activités et veillerons à ce qu'elles soient positives. Nous pratiquerons d'autant plus volontiers sila, samadhi et vipassana pour accumuler du bon karma. Nous devons réfléchir ainsi. Ma vie ne durera pas. La mort est inévitable. La vie est incertaine. La mort est certaine. Ceci revient un petit peu à la même chose. Mais il faut se répéter ces formules très souvent. Ma vie ne durera pas, la mort est certaine. Ma vie se terminera par la mort est inévitable. Ma vie est incertaine, ma mort est certaine. Et vous devez vous répéter ces formules chaque jour. Nous devons donc nous efforcer de faire des actions positives tant que nous sommes en vie. Nous ne devons pas croire qu'il est inutile d'accumuler des actions positives. Faisons de notre mieux pour accumuler du bon karma, car la vie est très courte. Vous devez donc pratiquer le souvenir de la mort de façon à être moins anxieux lorsqu'elle surviendra. Un certain sens d'urgence va se manifester. Ce sentiment d'urgence va faire que votre effort va se développer. Si vous faites plus d'efforts en méditation, la concentration va s'approfondir et la sagesse suivra. Et vous atteindrez la connaissance du chemin et du fruit. Votre attachement va diminuer et en conséquence, vous pourrez consacrer plus de temps et plus d'énergie à la pratique. La sagesse va devenir de plus en plus claire pour vous. Vous réaliserez en profondeur les trois caractéristiques universelles des phénomènes, anicca, l'impermanence, dukkha, la souffrance et anatta, le non-soi. De plus, si vous pratiquez cette méditation sur votre lit de mort, vous serez moins effrayé, moins anxieux, plus calme. Il n'y aura pas non plus de confusion. Et si le moment n'est pas encore venu pour vous d'atteindre la libération finale, le fait d'avoir pratiqué cette méditation et d'avoir compris les trois caractéristiques des phénomènes va avoir pour conséquence que vous reprendrez naissance dans de bons plans. Il y a donc beaucoup de bénéfices à la pratique de Maranasati, et ce n'est pas difficile de la pratiquer. Vous pouvez pratiquer cette méditation tous les jours, que ce soit en posture assise ou à n'importe quel moment au cours de la journée. Efforcez-vous donc de pratiquer ces quatre méditations protectrices. Elles vont vous amener beaucoup de bénéfices. Et vous pouvez pratiquer non seulement dans le cadre d'une retraite comme celle-ci, mais également lorsque vous serez rentré chez vous. Essayez de les pratiquer chaque jour. Ce sera très bénéfique pour votre concentration. Votre foi dans le Bouddha va s'en trouver renforcée. Si votre foi se renforce, votre confiance dans la pratique se renforce, vous fournirez plus d'efforts, vous serez plus attentif, la concentration va devenir puissante et la sagesse apparaîtra très rapidement. Vous souvenez-vous de ces quatre méditations protectrices? Dans le cadre de cette retraite, vous allez pratiquer ces quatre méditations protectrices le matin au début de la première séance de méditation. Vous allez leur consacrer 5 minutes, 1 minute par méditation. Si vous pratiquez ainsi ces quatre méditations le matin tôt, à la première séance, et que vous leur consacrez 5 minutes, c'est suffisant pour toute la journée. Elles vont vous protéger pendant toute la journée. Vous serez protégé pendant la méditation et même s'il devait vous arriver de voir des choses effrayantes, vous ne serez pas ébranlé. Une fois par jour, c'est suffisant. Et une fois rentré chez vous, vous devrez continuer à pratiquer ces quatre méditations protectrices une fois par jour, 5 minutes environ. Si vous appliquez ces recommandations et que vous pratiquez ces quatre méditations non seulement au centre mais également à la maison lorsque vous serez rentré chez vous, vous allez vous sentir protégé. ces méditations vont créer un sentiment d'urgence, vous aurez plus d'énergie pour la pratique. Vous pourrez poursuivre votre pratique de Vipassana plus facilement parce que vous aurez plus d'énergie et plus de motivation. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.